Ouais. Tu restes ici, d'accord? Tu vas là, juste la cuisine. Reste ici. D'accord. Tiens bien fort. Nino ? Oui ? Tu fais quoi ? Alors, voilà. Au revoir. Bon, si tu veux. Au revoir. Chut. Au revoir. Attends, est-ce qu'à un moment tu pourras regarder ici? Où? Un moment. Là, là? Je vois pas du tout. Un moment. Chut. Chut. Chut. Ouais, mais tu vois ici, là, c'est le garage. L'entrée. Là, il y a une porte rouge qui est dans un... Ah, c'est bon, je comprends. J'ai compris.